Le 7 juillet, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a rendu publique une communication qui note, entre autres, la réussite au premier lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type Phason 14 et la brillante victoire de l'armée et du peuple coréen remportée dans la confrontation acharnée anti-impérialiste et anti-américaine de plus d'un demi-siècle, et le grand événement qui a permis de jeter le gage digne de confiance pour sauvegarder fermement la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et de la région. Pourtant, les États-Unis l'accusent de menace d'ordre mondial et cherchent à élever au maximum le niveau de sanctions et de pression internationale contre notre pays. Notre problème nucléaire et de fusées balistiques est d'un bout à l'autre le problème entre la Corée et les États-Unis, et le dernier lancement d'essais est notre cadeau envoyé rien qu'aux États-Unis. Parmi les pays possesseurs des missiles balistiques intercontinentaux, seul notre pays a effectué de façon transparente l'exploitation et le lancement d'essais. Donc, accuser notre choix autodéfensif tout à fait juste de menace d'ordre mondial et prétendre l'action de prévention du monde entier est la révélation de la primauté aux États-Unis à la manière de Trump qui tente de tirer profit au détriment d'autrui. Cette méchanceté de voyous qui cherche à faire appel au monde entier contre un État souverain prétendument dégoûtant ne peut jamais passer aux gens raisonnables et aux pays indépendants. Les États-Unis sont impossibles de nous attaquer puisque nous avons démontré sur le plan physique notre capacité de frapper à souhait leur cœur. C'est là où réside la portée historique mondiale de notre renforcement dynamique de la puissante dissuasion de guerre nucléaire sous la bannière de la nouvelle ligne consistant à promouvoir simultanément le développement des armements nucléaires et de l'économie nationale en dépit des pressions et sanctions scélérates des forces hostiles. Plus les États-Unis tentent de démolir le potentiel intégral et la position stratégique de notre République remarquablement renforcée avec les soi-disant sanctions et pressions, plus nous continuerons à leur envoyer des cadeaux de différentes sortes.